Une ostendaise pleure sur sa chaise, le chat soupèse son poids d'amour dans le silence, son chagrin danse et les vieux pensent chacun son tour à la cuisine, quelques voisines parle de Chine et d'un retour à Singapour. Une javanaise devient belle-sœur de l'ostendaise. Il y a deux sortes de temps, il y a le temps qui attend et le temps espère. Il y a deux sortes de gens, il y a les vivants et ceux qui sont en mer. Notre ostendaise que rien n'apaise, de chaise en chaise va sa blessure, quelques commères, quelques compères battent le fer de sa brisure. Son capitaine sous sa bedaine de bière pleine bat le tambour, homme de voile, homme d'étoile, il prend l'escale pour un détour. Il y a deux sortes de temps, il y a le temps qui attend et le temps qui espère. Il y a deux sortes de gens, il y a les vivants et ceux qui sont en mer. Notre ostendaise au temps des fraises devint maîtresse d'un pharmacien. Son capitaine mort sous bedaine joue les baleines, les sous-marins. Pourquoi ma douce, moi le faux mousse que le temps pousse écrire de loin, c'est que je t'aime, et tant je t'aime, qu'aie peur ma reine d'un pharmacien. Il y a deux sortes de temps, il y a le temps qui attend et le temps qui espère. Il y a deux sortes de gens, il y a les vivants et moi je suis en mer.